Deux semaines avaient passé entretenant les promesses, allumant jusqu'à la passion le simple amour d'enfance, exaltant jusqu'à la fièvre l'impatience des voluptés suprêmes. Un soir que Aïcha arrivait à la fontaine, pimpante sous une gondoura neuve, le pas alerte, la poitrine gonflée d'espérance, elle ralentit soudain sa marche, elle s'arrêta toute surprise devant l'endroit désert. Dida n'était pas encore là, pour quelle raison? Malade? Mais elle se rassura vite. « Un simple retard, pensa-t-elle, je l'attendrai. » Elle déposa sa cruche sous l'embouchure de roseaux. Les mains libres, le voile flottant, elle arpenta le petit bois silencieux. Elle avait le cœur tranquille. Elle était sûre de voir Diden apparaître d'un instant à l'autre en haut de la route. Elle erra parmi les troncs sombres. Elle arriva près de l'arbre où, la veille, dans un enlacement plus fou, Diden lui avait promis qu'il parlerait bientôt, qu'il ne pouvait plus attendre, que l'envie le consumait de la posséder pour femme. La poitrine lui battit. Plus allègre, elle se prit à chantonner un air d'une complainte amoureuse. À petits pas, elle revint vers sa cruche, qui déjà débordait sur les cailloux. La nuit tombait. Pas une apparence de burnous ne se montrait sur la route. Elle commença à se tourmenter. Quelques instants d'attente lui parurent infinis. Qu'avait-il ce soir? Pourquoi ne venait-il pas? Elle demeura un moment pensive, une joue dans la paume de sa main. Puis, tout à coup, ses yeux se rembrunirent. Si Diden avait parlé comme il en avait l'intention, et si ses parents lui avaient ordonné de s'éloigner comme la première fois. « Allah » prononça-t-elle. Sa chair frémit. Une morsure aiguë lui laboura la poitrine. Elle se mit à marcher de nouveau pour secouer son angoisse. Elle voulut s'assurer qu'il ne rôdait point aux alentours. Elle recommença de scruter le petit bois dans tous les sens, sonda le ravin, remonta le long de la route du marabout. Elle ne découvrit rien. Les cyprès grelottant au vent du soir, les sapins et les collines envahies d'ombre, la grande route sonore, tout parlait de solitude et d'abandon. Malgré l'heure tardive, elle ne se sentait point la force de s'arracher à ce lieu. La tête vide, les joues en feu, le regard vague, elle se laissa envelopper par la nuit noire. Lorsqu'elle s'en alla enfin, pliée sous le poids de sa cruche, les épaules secouées d'un premier sanglot, le foulard d'or là-haut, témoin passible de sa douleur, quitta lentement la vitre bleue, le petit rideau de soie retomba dans un geste satisfait.